Cours numéro 17. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. On continue ma taqaddam. Qala al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala fahada wa amthaluhu min al-akhlaq allati addaballahu biha rasulahu sallallahu alayhi wa sallam wa qala fihi innaka la'ala khuluqin azim. Tazkiyatun min Allah azza wa jal à son messager, son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Un nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait le meilleur comportement. Si tu veux avoir un bon comportement, fais des efforts pour suivre un nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Le bon comportement, c'est ce que un nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté. C'est ce que un nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a rejeté. Le bon comportement, c'est ce que le nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a aimé. C'est ce que un nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a détesté. À détester certaines choses, rejeter certaines choses, ça fait partie du bon comportement. Le bon comportement, c'est pas accepter tout le monde, aimer tout le monde. Abadan. Min afdal al-khuluq, c'est appliquer qawl al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, awthaq'ur al-iman, al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Aimer pour Allah, détester pour Allah, c'est la foi la plus solide. Et ça fait partie du bon comportement. Aimer tout le monde, c'est un mauvais comportement. Bel, aimer les kuffars, c'est très très grave. قال عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله. Et mais les kuffars, pour leur mécréance et pour leur dîn, c'est de la mécréance. C'est pas un mauvais comportement, mais c'est un comportement qui annule la foi et l'islam. Donc, ihdhar, le bon comportement, c'est le suivi du prophète, alayhi salatu wasalam. Le bon comportement, c'est pas les passions. Le bon comportement, c'est pas de dire ce que les autres, ils veulent entendre. Le bon comportement, c'est pas de suivre la vague. قالت أو قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان خلقه القرآن. Ça, ça nous montre أن le bon comportement il est fondé sur le Coran et sur le suivi du prophète عليه الصلاة والسلام. Le comportement du prophète صلى الله عليه وسلم c'était le Coran et il a mis en application du Coran. قال وهذا وهذه لا تتم إلا بثلاثة أشياء. أي pour avoir un bon comportement t'es obligé d'avoir trois choses. Et ta'ammalou ces trois choses. Ces trois points sont très très importants. Qala ahaduha an yakun al'oud tayyiban. Fa'amma idha kanat at-tabi'atu jafiyatan ghalidatan yabisatan asra 'alayha muzawalatu dhalik 'ilman wa iradatan wa 'amalan. La première chose c'est par rapport à la nature de la personne. Ay طبع الانسان الله سبحانه وتعالى certains les a créés avec de la dureté كما تقدم certains les a créés avec de la douceur certains ils ont une nature qui est forte d'autres ils ont une nature qui est assez faible وهكذا فالسلوي qui a هذا الطبع العظيم اي كما قال il est pas dur اليابس c'est quelque chose de sec اي au contraire il est d'une nature qui accepte, il a akhiré qui est doux. Fahada la shak annahu il aura beaucoup plus de facilité à appliquer qu'un autre. Qala bi khilaf at-tabi'atu al-munqada al-layyina as-salisa al-qiyad. Ay la douceur, annahu il accepte rapidement, annahu il a moins d'orgueil que certains ou il a pas d'orgueil etc. Qala fa innaha musta'iddatun innama turid al-harth wal-badr. Cette personne, elle est apte à accepter les comportements. Lakin, il faut une chose. Turid al-harth wal-badr. Al-harth wal-badr, c'est le fait de semer des graines, de cultiver, tu récolteras des fruits bénéfiques, des bons comportements. La yufham min hada. Ne pas comprendre min hada. Anna al-insan, kama nabbaha ala dhalik, al-shaykh Abd al-Razzaq, وفقه الله تعالى dans son شرح une faïda tayyiba ان ne pas comprendre min hada de dire comme certains مثلا انا je suis comme ça طبيعتي moi je suis un nerveux مثلا donc si je me mets en colère et je dis une mauvaise chose ou je délaisse une obligation مهم quelque chose qui contredit notre din enfin ne pas dire انا je suis comme ça ابدا لا لان الانسان il peut se corriger bien sûr que celui qui a hada tab cette nature et il aura du mal à faire certaines choses que l'autre, il n'a pas. Lakin, i'lam, anna, si tu fais des efforts, robama, tu atteins un degré plus haut que l'autre. L'autre, c'est dans sa nature. Vous avez remarqué que Ba'dannas, certains bons comportements, c'est dans leur nature. Ils les avaient avant l'islam, avant l'istiqama. Thumma, ils gardent ces bons comportements. Et tu trouves, ils ont des manquements, ils ne font pas d'efforts. Ils se reposent sur leurs acquis. Et hada, c'est pas tayyib, on doit toujours faire des efforts. Amma, certains qui ont une nature qui accepte pas certaines choses, certains bons comportements, s'ils font des efforts et ils se corrigent, fa'a'oula, ils ont appliqué, ils ont fait un djihad azim de leur nefs. À la kulihal, on fait attention. Kadhalik, le fait de dire notre famille c'est comme ça, dans notre région on est comme ça. L'exemple qu'on a pris, des nerveux, où on se précipite, où on se rabaisse pas, notre dîn, c'est pas fondé sur notre nature, ou sur ce qu'on pense, ou sur quoi nos ancêtres ou nos familles sont. C'est pas ça, le dîn. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. Ça montre qu'on doit faire. الحلم c'est un bon comportement. الحلم ça ressemble à la patience. الله سبحانه وتعالى c'est le حليم. أي عز وجل il ne châtie pas directement. Il laisse du temps au عبد pour se repentir. Et الإنسان الحليم c'est celui qui patiente. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الحلم بالتحلم. أي الحلم comment faire pour avoir ce bon comportement, le hilm, la patience, ne pas se venger, ne pas chercher d'aïmana à défendre son propre nefs, avec tahallum, et en faisant des efforts pour l'acquérir. Ça montre qu'à la base, peut-être que tu ne l'as pas. C'est comme l'ilm. On est tous ignorants. Est-ce que Wahid va dire là? Et ça arrive, l'il asaf. Ba'dhum, madalan, tu les encourages à apprendre par cœur, ils disent là, moi je suis comme ça, j'ai du mal à apprendre par cœur. J'arrive pas. Et ils délaissent. Ça, c'est minash shaitan. Innama al-ilm bitta'allum. Tu as du mal à apprendre par cœur. Et sahih. Tu trouves deux catégories de personnes. Certains, Allah, il les a créés. Ils mémorisent très rapidement. D'autres, ils ont beaucoup de mal. Lakin, si tu fais des efforts, rubbama, tu as atteint un niveau que celui qui a des facilités, il n'a pas atteint. Pourquoi? Parce que tu seras récompensé par rapport aux efforts. Donc, on fait attention à ça. C'est vrai, si tu as du mal, enfin, à la kulli hal, apprends par rapport à ton niveau et avec la régularité, ta mémorisation elle va augmenter. Bi-idhnillah azza wa jalla. Hakada les bons comportements. Ça, c'est le premier point. Donc, la nature. Aïe, que ces comportements ils trouvent une place dans ton cœur. Certains, la place dans leur cœur, ils ont été créés comme ça, ils acceptent. D'autres, il faut la faire la place. Il faut creuser, creuser. Hata, tu fais une place à ce bon comportement. Le deuxième point. أن تكون النفس قوية غالبة قاهرة لدواعي البطالة لدواعي البطالة والغي والهوى. نعم. كذلك pour avoir un bon comportement, la deuxième chose, et on l'a cité قليلا dans le premier point, قال أن تكون النفس قوية. Il faut que tu sois fort. غالبة قاهرة لدواعي البطالة. Et pour repousser les mauvaises choses. Fais attention de ne pas baisser les bras. Ceux qui baissent les bras, ils ont beaucoup de mal à appliquer certains comportements, certains bons comportements. Là, ton nefs, madalan, elle te pousse à avoir de l'orgueil, repousse. Ton nefs, elle te pousse à ne pas accepter la vérité avec de la fierté, repousse. Kadalik, tes passions, ils veulent ces choses, madalan, ayyadan billah, mentir pour avoir telle chose. Essayer de faire croire que tu as fait telle chose alors que tu ne l'as pas faite. Tout ça pour se montrer ou pour acquérir quelque chose de dunya. Parmi les bons comportements, repousse al-hawa. Et sois véridique. L'hawa, c'est les passions. قال فإن هذه أعداء الكمال. Les ennemis qui t'empêchent de t'améliorer. Donc, si tu veux t'améliorer, tu veux avancer dans ta hijra. On est toujours dans la hijra, l'an. إلى الله وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام. Tu as plusieurs ennemis qui t'empêcheront, qui feront tout pour pas que tu t'améliores. Parmi ces ennemis, al-ghay ou al-hawa, les passions, et l'égarement, et l'injustice, et l'ignorance. Tout ça, c'est des ennemis. Donc, fais gaffe. Ihdhar, fais attention. Et repousse, ha'oula, repousse ces ennemis, repousse l'ignorance avec l'ilm. Repousse les passions avec le suivi du Coran et de la Sunna. Repousse l'injustice avec la justice. Wa hakada, la dureté avec la douceur. Qala, فإن هذه أعداء الكمال فإن لم تقوى النفس على قهرها وإلا لم تزل مغلوبة مقهورة. Donc tu as un combat, un jihad à faire toute ta vie, repousser ces mauvaises choses pour acquérir des bonnes choses. Si tu baisses les bras, les mauvaises choses, elles prendront la place dans ton cœur et il n'y aura plus de place pour les bons comportements. الثالث لو ترويزيام بوين علم شاف بحقائق الاشياء وتنزيلها منازلها يميز به بين الشحم والورم والزجاجه والجوهره. La troisième chose pour avoir un bon comportement, العلم, la science, pour différencier entre tel comportement et tel comportement. كم من الناس, ils ont une nature à accepter le bien, ils sont doux, ils sont gentils, etc. Et كذلك, ils font des efforts. Lakin, à cause de l'ignorance, ils pensent que certaines choses, c'est bon alors que c'est mauvais. فَلِهَذَا بْنُ الْقَيُّمُ رَحِمَهُ اللَّهُ هُنَا إِلَا سَيْتَ أَمِثَلَ أَنَّ هَذَا الْعِلْمُ il va t'aider à différencier entre الزُّجَاجَ وَالْجَوْهَرَ. الزُّجَاجَ, c'est un morceau de verre. الْجَوْهَرَ, c'est une pierre précieuse. Si tu ne fais pas attention et tu n'arrives pas à différencier, tu vas prendre ce bout de verre, ce morceau de verre, en pensant que c'est une pierre précieuse qui a de la valeur, et en le prenant, tu vas te faire du mal, tu vas te couper. Ou tu vas couper un autre. Ah, qu'est-ce que c'est? Bardanaz, ils acceptent, ou ils appellent à des bons comportements. Wallahi, ahyanan, c'est du kofre, c'est de la mécréance. Mathalan, Bardanaz, ils appellent à avoir des bons comportements et à aimer son prochain. Le prochain, là, que c'est ton frère mu'min, là, pour eux, le prochain, c'est tout le monde. Hatta al-yahoudi wal-nasrani. Et ils appellent cela bon comportement. Emma à cause de l'ignorance, c'est notre troisième point. Emma à cause des passions, c'est notre deuxième point. Fahdar. Fahdar. Apprends l'ilm. Comme ça, tu sais c'est quoi le bon comportement, le mauvais comportement. Maintenant, parmi les bons comportements, c'est de se mettre en colère. Quand quelqu'un fait du mal au din, ça doit nous toucher. Amma, sourire à tout le monde, être tolérant envers tout le monde. Bardanas, ils appellent la tolérance envers le kufr. Accepter. Là, on n'est pas tolérant vers le coffre. Si on peut enlever avec nos mains, on l'enlèvera avec nos mains. On peut pas avec nos mains, avec la langue. On peut pas avec la langue, on craint être touché par un mal avec notre cœur. Un mal, le coffre devant nous, et ça nous fait rien. Belbardonnaise, ils acceptent, Belbardonnaise, ils appellent à aimer cette chose. Ah là, c'est un mauvais comportement. Le bon comportement, il est fondé sur l'ilm. L'ilm, c'est قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Il a vana, je peux penser que cette chose, c'est un bon comportement. En fait, tu vas penser que c'est un mauvais. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا كما تقدم. قال فإذا اجتمعت فيه هذه الخصال الثلاث وساعده التوفيق فهو من القسم الذين سبقت لهم من ربهم الحسنى وتمت لهم العناية. Celui qui a ces trois points, فبإذن الله عز وجل il avancera et il sera heureux. Et il aura beaucoup de facilité à accomplir هذه الهجرة. On répète, une nature à accepter la vérité et les bons comportements. Celui qui a des manquements, il fait des efforts. Et c'est le deuxième point, le fait de faire des efforts et combattre son nefs et combattre les passions, s'écarter des passions. Et le troisième point, العلم, la science. Celui qui a ces trois, وَسَعَدَهُ التَّوْفِيقُ انتبه هذا الكلام. Celui qui a ces trois points, وَسَعَدَهُ التَّوْفِيقُ et Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite. وَإِلَّا tu peux avoir ces trois points. Si Allah subhanahu wa ta'ala il ne te guide pas, tu ne seras pas guidé. فَتَسْتَفِيدْ مِنْ هَذَا avec ces trois points, tu rajoutes un dua. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te facilite. كَمِنَ النَّاسِ ils ont un bon comportement. Ils ont du ilm, وَاللَّهِ il s'est déségaré. لِمَاذَا لِأَنَّ ce bon comportement et ce ilm, ils ne le font pas لِلَّهِ. Et leur but, c'est pas de suivre Rasulullah alayhi wa sallam. Là, c'est pour des passions. Ou c'est pour dunya ou pour autre chose. قال وهؤلاء هم القسم الأول المذكورون في قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم إلى آخره. Vous vous rappelez ce hadith. قال الحديث وقد تقدم. On l'a vu ensemble. ولله الحمد. Il y a quelques cours dans un chapitre de cette risala. أن ابن القيم رحمه الله. Il s'est basé sur ce hadith. Et pour montrer que les gens, ils sont de différentes sortes. Et la comparaison du cœur avec la terre et de la science avec la pluie. Comme les terres, elles sont différentes par rapport à la pluie. Certaines, elles acceptent. Certaines, elles donnent des fruits, etc. Enfin, hakada les cœurs. Certains, ils acceptent le ilm et d'autres, moins et d'autres, pas du tout. Enfin, ala kulli hal, haoula, qui applique ces trois points, ils font partie du premier qism, de ceux qui ont des rangs élevé عند الله et que Allah il aime. ثم قال فصل وهو الأخير. le dernier chapitre. قال ثم ذكر الشيخ رضي الله عنه وأرضاه أخبار الركب وأشياء. هذا الكلام ثم ذكر الشيخ كما نبه على ذلك الشيخ عبد الرزاق أن هذا من إخبار الناسخ. C'est celui qui a recopié ce livre d'Ibn al-Qayyim rahimahullah et qui l'a propagé. بل il a résumé certaines parties كما سيأتي. Donc هنا il a résumé. Vous avez remarqué, قال ثم ذكر الشيخ ثم ذكر الشيخ أخبار الركب وأشياء إلى أن قال. Ça montre que هنا il a résumé. Il a pas tout cité. أي الشيخ c'est Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a cité certaines choses par rapport au rakb, à la monture. Vous vous rappelez de la monture, أي la véracité et placer sa confiance en Allah Azza wa Jalla. Et il a cité d'autres choses. ثم قال et il a cité. Donc il a résumé. Un nasir, celui qui a recopié, qui a propagé ce livre, il a résumé. قال إلى أن قال أي الإمام ابن القيم رحمه الله هذا أول الأمر وآخره إنما هو معاملة الله وحده والانقطاع إليه بكلية القلب أي هذه الهجرة العظيمة tu dois avoir cette chose essentielle هي معاملة الله وحده ton objectif ça doit être de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Ton objectif, ça doit être d'appliquer قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Si tu as cet objectif, والانقطاع إليه بكلية القلب, et tu places ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et tu ne désires pas un salaire pour هذا, tu ne fais pas ça pour l'argent, pour te montrer, فبإذن الله عز وجل, tu vas avancer. قال ودوام الافتقار إليه. Et ça c'est très très important. الافتقار إلى الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني والحميد أي دائما tu dois sentir que tu as besoin d'Allah سبحانه وتعالى الله عز وجل c'est الحي c'est القيوم c'est الصمد c'est الغني c'est الملك عز وجل et أنت en tant qu'être humain tu as des faiblesses tu as des manquements tu as des besoins ce voyage دائما tu dois sentir que tu as besoin d'Allah سبحانه وتعالى فَسَلُوِي كَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قِدْ بِرْسَنُ لِبَلِقَارِي مَنْ يَهْدِهِ اللَّهِ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ Et que ذلك, Allah سبحانه وتعالى c'est le razzaq ذو القوة المتين Tu auras besoin de certaines choses durant ce voyage et le seul qui peut te les donner c'est le razzaq, c'est Allah سبحانه فمثلا dans le chapitre précédent قَوْلُهُ وَسَعَدَهُ التَّوْفِيقِ هذا التوفيق on doit demander à Allah سبحانه وتعالى دائما التوفيق c'est que Allah nous facilite Dans ce voyage, tu as besoin de hadat tawfiq. Sans tawfiq, que Allah te facilite, tu ne pourras pas. Tu te perdras. Tu arriveras à un moment, tu n'auras plus de provisions. Tu vas te fatiguer. Lakin man waffaqahu Allah subhanahu wa ta'ala najah wa aflah. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite, il réussira. Même s'il a des faiblesses, même s'il a des manquements. Et on a tous des faiblesses et des manquements. Qala. فلو وفى العبد هذا المقام حقه لرأى العجب العجيب من فضل ربه وبره ولطفه ودفاعه عنه. Si on met en application tous ces conseils qu'il a cités dans cette risale, la sincérité, التوكل على الله, placer sa confiance en Allah, faire des efforts في العلم, montrer ce علم, mettre en application ce علم, patienter pour Allah Azza wa Jal, كذلك faire des efforts dans les bons comportements, avoir comme objectif cette hijra qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous ila akhirah si on met en application tout cela qala la ra'a al-ajab al-ajib tu vas voir des choses très très étonnantes min fadli rabbi Allah subhanahu wa ta'ala va te donner beaucoup de choses des choses que à la base tu pensais pas pouvoir les faire que ça soit dans l'apprentissage que ça soit dans la mise en application que ça soit dans la patience que ça soit dans le bon comportement avec les autres Allah subhanahu wa ta'ala il te facilitera qala wa birrihi wa lutfihi wa difa'ihi an كذلك من بره عز وجل أنه يتدنغى beaucoup de choses beaucoup de choses tu tendras pas la main aux autres et Allah subhanahu wa ta'ala il te donnera لماذا لأن الله سبحانه وتعالى il aime ses serviteurs et Allah subhanahu wa ta'ala il te voit dans ce voyage et il sait que tu as besoin de certaines choses et Allah subhanahu wa ta'ala كريم لطيف قال ودفاعه عنه كذلك أحيانا الله سبحانه وتعالى يغبص un mal أو un ennemi أنت Tu n'avais pas la capacité, les moyens. Enfin, qui c'est qui t'a préservé, qui a repoussé à Adash-Shar ? C'est Allah. Azza wa Jal. Inna Allah yudafi'u 'an alladhina amanu. Inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui défend, qui secourt les croyants. قال والإقبال بقلوب عباده إليه. هكذا. Ça, c'est un point important. والإقبال بقلوب عباده إليه. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui. C'est lui qui peut faire de toi une cause pour que les gens y reviennent au haq. قال وإسكان الرحمة والمحبة له في قلوبهم ولكن نقول ربنا غلب علينا لؤمنا وجهلنا وظلمنا وإساءتنا من أدل شيء منه فها نحن مقرون بالتفريط والتقصير. ثم ابن القيم رحمه الله هنا قال ربنا أي il a reconnu qu'on a des faiblesses en tant qu'être humain. وجهلنا وظلمنا, bien sûr que Ahyana nous dit des paroles d'ignorance. Bien sûr, Ahyana nous commet des injustices, que ce soit avec nos mains ou avec nos langues. Lakin, le mu'min qui reconnaît ça, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui pardonne et il fait des efforts pour se corriger. Wa illa va Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'être humain hakada. Wa khuliqa l'insana jahula. Dans l'autre verset, zaluma in lam ahim. Na'am, fa kam min ayat fi hada. Qala, wa jahluna وظلمنا وإساءتنا من أدل شيء منه فها نحن مقرون بالتفريط والتقصير. Et ça, c'est un comportement très très important. Reconnaître ses manquements et ses faiblesses. Celui qui reconnaît ses manquements et ses faiblesses, que ce soit envers Allah Azza wa Jal ou envers les autres, il va se corriger. Al-Musiba, c'est celui qui pense qu'il n'a pas de manquement. Et il pense que c'est toujours la faute des autres. Abadan. Abadan. Al-Arab, ils ont un mythal, les deux mains, pour applaudir, il faut deux mains. L'arabe, ils utilisent هذا المثال. Quand il y a un mal, en général, ça vient de deux côtés. Ça ne vient pas que d'une personne. Ça peut venir que d'une personne, une injustice claire. Il a appelé la kin kathiran. Certaines choses, l'insan, il n'est pas innocent. Donc, si on reconnaît هذا, on reconnaît ses manquements, ses faiblesses, on va faire des efforts pour se corriger. Et on a tous des manquements. Wallahi, celui qui pense qu'il n'a pas de manquement ou pas de faiblesse, il est makhzoul. Mawfiq. Naam. Limaadha li anna Allah subhanahu wa ta'ala il a informé anna l'insan il est hakada. Qala rahimahullah wa man itta'a minna indaka wajahatan falaysa illa dhalilun haqir fa in takilna ila anfusina takilna ila dhay'atin wa ajzin wa dhanbin wa khati'a. Thumma ibn al-qayyim rahimahullah qala, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, si tu nous laisses seuls et tu nous aides pas, enfin tu vas nous laisser vers quelqu'un d'incapable. Et nous-mêmes, on n'a pas la capacité de se guider. Kadhalik, on fait des péchés. Kadhalik, on commet des erreurs, des fautes. Hada al-luju, ça montre anna pour hada safar, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu penses que tu vas réussir cette traversée, ce voyage seul, sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça va te faire beaucoup de mal. Tout ce qu'on a cité, c'est des causes, les provisions. L'ilm, la patience, avoir des bonnes fréquentations, et la akhira, tout ça, c'est des causes. Lakin, demande à Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il t'aide. Qala, fawa hasrata wa wa asafa ala ridhaq. ولو غضب كل احد سواك وعلى ايثار طاعتك ومحبتك على ما سواها وعلى صدق المعامله معك. هذا الدعاء العظيم. اي il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala ar-ridha, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de lui et de nous, même si tout le monde n'est pas satisfait. Ça nous montre ana dans ce voyage fait tout pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala et fait attention comme taqaddam ma'ana dans la risala, fait attention de ne pas vouloir satisfaire les gens. Les gens, ils sont pas tous pareils. Et la plupart des gens, ils sont attirés par les mauvaises choses, par l'égarement, etc. Si tu veux les satisfaire, tu arriveras pas à avancer dans ce voyage. قال ولو غضب كل احد سواك وعلى اثار طاعتك ومحبتك على سواهما. وهذا تقدم. اي il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de faire passer l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et son amour avant l'obéissance des autres et l'amour des autres. هذا c'est important au taqaddam. قالوا على صدق المعامله معك. الصدق. المعامله مع الله سبحانه وتعالى c'est emprunter ce chemin. L'adorer azza wa jal seul et suivre son prophète alayhi salatu wa salam. On doit demander as-sidq. لان Si on n'a pas de sitr dans ce voyage, et c'est Tadkurun, c'est Ar-Rakb, c'est la monture. La monture, c'est As-Sitr et At-Tawakkul ala Allah. Celui qui n'a pas cette monture, il ne pourra pas avancer. Là, même s'il avance un peu, il reculera. Il abandonnera, il se perdra. Iyadan billah. Fanas'alullah azza wa jal min fadlihi. Qala falaytaka tahlu wal hayatu mariratun wa laytaka tarda wal anamu ghidabu. Il a cité ce vers de poésie pour montrer l'essentiel, c'est qu'Allah il soit satisfait de nous, même si les autres ils se mettent en colère. قال وليت الذي بيني وبينك عامل وبيني وبين العالمين خراب. Et l'essentiel, comme تقدم, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte nos œuvres et il soit satisfait de nous, même si les autres ils ne sont pas d'accord. قال إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. Et l'essentiel, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aime. ثم قال وكل الذي فوق التراب تراب. Tout ce qui est sur terre, ça finira dans la terre. Belle, ça deviendra de la terre. L'insan, il deviendra poussière. Donc l'essentiel, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il soit satisfait de nous. Donc fais tout pour satisfaire Allah azza wa jal. Même si les autres, ils ne sont pas d'accord. قال وقد كان يغني من كثير من هذا التطويل ثلاث كلمات كان يكتب بها بعض السلف إلى بعض. ثم إلى conclu هذه الرسالة العظيمة بهذا الكلام الجميل. قال هنا tout ce qu'il a cité dans cette risale, à peu près une centaine de pages, à peine moins. قال, on aurait pu se suffire de ces trois paroles, ces trois kalimates qu'il va citer. Et c'est la parole de certains salaf. نعم. هذا الأثر qu'on va lire, كما أفاد الشيخ عبد الرزاق dans son charh, رواه ابن أبي شيبة في مصنفه نعم عن ابن عون. ابن عون c'est un imam parmi les imams des salaf radiyallahu anhum. قال فلو نقشها العبد في لوح قلبه يقرأها على عدد الأنفاس لكان ذلك بعض ما يستحقه. Cette parole, si tu viendrais à l'écrire sur les parois de ton cœur, et tu répètes ces paroles autant que tu respires, ça serait ce que ces paroles elles méritent. Ces paroles elles sont fondées sur la vérité, sur des preuves. Cette parole c'est قال وهي من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. Celui qui corrige, qui améliore, qui prend soin de son cœur, Allah subhanahu wa ta'ala, il corrigera son apparence. هذا c'est fondé sur قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. Enfin, donne de l'importance à ton cœur. Man aslaha sarirata. As-sarira, ça vient du mot sir. Avec quelque chose qu'on ne voit pas. Et ton cœur, ton intérieur, aslaha Allahu ala niyata. Ça nous montre qu'on ne doit pas perdre notre temps que sur l'apparence. Que sur le physique. بعض الناس عيادا بالله كما تقدم معنا كثيرا ومرارا leur vie c'est devenu les salles de sport, les salons de coiffure. Et les restaurants, c'est ça leur vie, ayyadam billah. Fais attention. Ha'oula, ils sont en train de voyer cette ni'ma que Allah il leur a donnée, cette vie. Ils ont délaissé hadhihi al-hijra ila Allah wa al-rasul alayhi salatu wassalam et ils ont suivi un chemin de al-shahawat. Tout ce qui remplit leur ventre et leur poche, ayyadam billah, et qui satisfait leur désir. Anta, donne du temps à hadhihi al-mudra, ce morceau de chair, ton cœur. Man aslaha sariratahu أصلح الله على نيته. Et bien sûr, on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Ya muthabbit al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait souvent ce dua. Et pour corriger, réformer nos cœurs. Wa man aslaha ma baynahu wa bayna Allah, aslaha Allah ma baynahu wa bayna nas. Si tu t'améliores, tu te corriges, tu fais des efforts dans ton din, بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ أي tout ce que Allah t'a ordonné ou interdit, enfin tu fais des efforts, Allah subhanahu wa ta'ala أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ. Allah subhanahu wa ta'ala, t'inquiète pas, il améliorera ta situation avec les gens. هذا c'est fondé كذلك sur hadith عائشة رضي الله عنها. Hadith il est موقوف عنها كما تقدم, c'est la parole de عائشة. من التمس رضا الله بسخط الناس radiyallahu an wa arda an-nas an. Si tu obéis à Allah subhanahu wa ta'ala, même si les gens ils sont pas d'accord, même si un tel il est pas, il accepte pas au départ, il a akhiré, Allah subhanahu wa ta'ala, il fera que les gens bien, ils acceptent ce bien que tu propages, même si au départ ils étaient pas d'accord. Donc la base c'est quoi? C'est le cœur. Et fais des efforts dans ton digne. Fais attention à l'apparence, faqat, à ton physique et aux gens. Ça c'est les deux premiers points. Qala وَمَنْ عَمِلَ لِآخِرَتِهِ كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ دُنِيَا. Et celui qui prend soin et qui s'occupe du véritable avenir, l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala, t'inquiète pas, il te donnera à dunya. Occupe-toi faqat de la religion et de l'akhira. Ça ne veut pas dire huna tambih, ça ne veut pas dire anna l'insan, il ne fait pas de sabab. Abadan. Allah subhanahu wa ta'ala قال وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Ça ne veut pas dire anna là. Ça veut dire que la priorité, c'est ad-din. La priorité, c'est l'au-delà. Sans négliger ce qu'on a besoin, fi dunya. Falhamdulillah, le sunnah, ce n'est pas des soufis. Hein. Là, les soufis qui se sont égarés via hadal bab, qui ont délaissé les causes. Amma as-sunni, ala shak, annahu, il met en application. Et cette dernière partie, elle est fondée sur al-hadith, al-azim, qu'on a déjà cité, qu'on avait expliqué dans une risala. Anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, qal man kanat al-akhira hamma, ja'ala allahu ghinah fi qalbih. Celui dont l'objectif, c'est l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala, la richesse, il la met dans son cœur. Qala, جعل الله غنى في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. الله سبحانه وتعالى met la richesse dans son cœur. وجمع له شمله ولله الحمد. الله سبحانه وتعالى lui facilite beaucoup de choses. وأتته الدنيا وهي راغمة. Et الدنيا c'est elle qui vient à lui. C'est pas lui qui va vers الدنيا. والعكس قال ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه. Celui dont l'objectif c'est que dunya, Allah subhanahu wa ta'ala il met la pauvreté entre ses yeux. Il pense qu'à l'avenir de dunya, il pense qu'au travail, il pense qu'au projet, il pense qu'à l'école, il pense qu'au diplôme. La moindre chose est la peur de la pauvreté, alors que Allah subhanahu wa ta'ala c'est Razzaq. Alors que هذا العبد المسكين, quand il était dans le ventre de sa mère, كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه, النبي صلى الله عليه وسلم قال أن quand il est dans le ventre de sa mère, نعم, كتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. Dans le ventre de sa mère, Allah subhanahu wa ta'ala, l'ange, il a ordonné l'ange d'écrire son risque. Tout ce que tu mangeras, tout ce que tu dépenseras, tout ce que tu gagneras, c'est déjà écrit. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas les causes. On ignore, نحن, ce qui a été écrit. Fais les causes et arrête-toi à la cause. Et Ar-Razzaq, c'est Allah. Azza wa Jal. Al-Hadith رواه الإمام الترمذي أطر الإمام الألباني كذلك الإمام مقبل بن هادي عليهم رحمة الله جميعا إلا حسن أو صحح. ثم قال رحمه الله وهذه الكلمات برهانها وجودها ولميتها إنيتها والتوفيق بيد الله ولا إله غيره ولا رب سواه. قوله ولميتها إنيتها, قال الشيخ عبد الرزاق, أي ليس مجرد الكلام يسمع بل يعمل به. فهذا الكلام c'est un كلام عظيم, لكن il faut mettre en application, il faut le mettre en application. C'est un كلام عظيم qui est fondé sur des textes, et بإذن الله عز وجل تستفيد منه في الدنيا قبل الآخرة. قال ثم قال رضي الله عنه وأرضاه. Ça montre que An-Nasir, celui qui a recopié cette risala, il a résumé كلام ابن القيم رحمه الله. وليعذر الأصحاب في هذه الكلمات فإنها والله نفثة مصدور وتنفس محرور. نعم, أي إلى demandé المعذرة, أي أنه إلى demandé pardon, أن ces paroles, ce conseil, il est résumé عليه رحمة الله. وليعذر الأصحاب في هذه الكلمات فإنها والله نفثة مصدور ونفس وتنفس محرور. قال أقلب أقلب طرفي لا أرى من أحبه، أقلب طرفي لا أرى من أحبه، وفي الحي ممن لا أحب كثير. فهو نفس من قد أكل بعضه بعضا، فهو المبتدأ والخبر، ومنه الغنى ومنه الطرب. ما في الخيام أخ وجد يطارحه، حديث ليلى ولا صب يجاريه. فأحب محبكم مطارحة من بعدت عنده دياره وشض عنه مزاره فهو كما قيل. نعم، donc il a voulu conseiller ses frères. تستفيد من هذا إن فائدة عظيمة، أن إذا وفقك الله سبحانه وتعالى لعلم أو لعبادة عظيمة، et tu es loin de tes frères, de ta famille, de tes proches, de tes amis, ne les oublie pas finnussah. تأمل الإمام القيم رحمه الله، il revenait du Hajj et il arrivait à Tabouk. Tabouk c'est au nord de Médine et il allait en direction du Cham. Donc il avait fait Allahu alam plus de la moitié du chemin. Il n'était pas encore arrivé au Cham, il était encore fi al Jazira. Tabouk c'est au nord de Médine. Il y a une célèbre bataille, la bataille de Tabouk, qu'on a expliqué dans hadith Ka'b radiyallahu anhu fi Riyad as-Salihin. Arrivé à Tabouk, il est en direction de sa ville. Et il a écrit هذه النصيحة. فهكذا أنت. واعلم أن quand tu es loin, النصيحة elle est beaucoup plus acceptée par ceux qui t'aiment. لماذا؟ لأنهم ils espéraient te voir et vu que tu n'es pas là, la moindre chose qui vient de toi, ils s'empressent d'écouter. ولله الحمد، à notre époque c'est très très simple. Un message, un audio, une risala avec les moyens, les nouveaux moyens, téléphone, il a akhiré. فالإنسان fait attention. N'oubliez pas vos frères. On ne doit pas oublier nos frères. Ceux qui ont fait la hijra, ceux qui ont fait talab al-ilm, il a akhiré. N'oubliez pas votre pays, votre ville d'origine. Une lettre, une nasiha, un message, un audio. Wallahi, c'est anfa' kama taqaddam que de leur envoyer un cadeau. Bad al-nas, quand ils arrivent dans un pays, madalan, ils envoient un cadeau. Une chose du pays. Anta, envoie du ilm si tu peux, envoie une nasiha, montre-leur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, rubbama yaj'al dans cette kalima, baraka. Ta'ammal cette risala de Ibn al-Qayyim, rahimahullah. C'était une lettre pour ses amis, faqat. C'est devenu un livre qui est lu, qui est étudié, enseigné. Al-Muhaqqiq, il a fait un travail pour le haqqaq, il a akhiré. Allah subhanahu wa ta'ala, ja'ala fi hadha an-nusha al-baraka. Pourquoi? الصدق والإخلاص ولا نزكي على الله أحدا قال كما قيل يا ثاويا بين الجوانح والحشا مني وإن بعدت علي دياره عطفا على قلب يحبك هائما إن لم تصله تقطعت أعشاره وارحم كئيبا فيك يقضي نحبه أسفا عليك ومن قضت أوتاره ومن قضت أوطاره ولا يستفيق من الغرام وكلما نحوك عنه نهتكت أستاره قال وكل ذي شجو يصرف هذا وأمثاله إلى شجوه. نعم وكل ذي شجو أي الحزن لا تريستس. قال وهذا مما يستروح إليه المركوب بعض الاسترواح وهيهات إن القلب لن يقر له قرار حتى يوضع في موضعه. هذا سي تري تري امبورطون أن القلب لن يقر له قرار. Il ne sera pas tranquille ce cœur tant il ne sera pas à sa place. دائما vous avez remarqué des nasa'ih sur le cœur. Ça fait tout pour mettre ce cœur à sa place. Les nasa'ih c'est comme un récipient. Il acceptera le khayr bi'idnillahi azza wa jalla. Mais s'il n'est pas à sa place ou s'il est rempli d'une mauvaise chose, il n'y aura plus de place pour les bonnes choses. تأمل الإمام ابن القيم رحمه الله إلى سيتي أن مثال عظيم. قال في الوابل الصيب dans un autre livre قال سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إلى entendu son شيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله dire une parole عظيمة. قال الذكر للقلب Mitlulma les samak. Le dhikr pour le cœur, c'est comme l'eau pour le poisson. Fakayfa hal as-samak idha faraq al-ma? Un poisson qui n'est plus dans l'eau, c'est quoi son état? C'est quoi sa situation? Il mourra. Hada, ça te montre, anna, ce cœur, mets-le à sa place et donne-lui la principale provision qu'il a besoin, dhikr, pour pas qu'il meure. Wa hakadha al-iman wa al-ilm. Donc, tastafid min hada, anna, n'oublie jamais anna ce morceau de chair, bi'idnillah azza wa jal, ça sera la cause de ta réussite ou de ta perdition. La réussite avec dhikr. Fais beaucoup de dhikr. Bien sûr, en essayant de comprendre. Qabla dhalik al-ilm. Il y en a dhikr pour le faire, il faut le connaître. Al-ilm. Et pour que ça soit accepté, hada al-ilm et hada dhikr, il faut al-iman, al-ikhlas, la sincérité. Et ce qui pousse à la perte de ce cœur, c'est les opposés. L'insouciance, l'ignorance et la mécréance. Ayyadam billah. قال رحمه الله ويستقر في مستقره في مستقره الذي لا مقر له سواه. كم من الناس on vit à une époque انهم leurs efforts, leur temps, leur argent, c'est pour le physique, pour que le physique soit à sa place. Tel poids, telle couleur, etc. بعض الناس لا يرضى que son corps il a telle couleur. Ils vont dans certains endroits où il y a du soleil, bardohom, c'est pas naturel. C'est des artifices, des pommades, des crèmes, il a arrêté. Tout ça pour que la peau a telle couleur. Ou les cheveux. Qu'est-ce que tu vas gagner si ta peau elle est plus claire ou plus foncée? Qu'est-ce que tu vas perdre? Ou tes cheveux. Et c'est beaucoup de gens qui subissent ça. Anta, néglige pas ton physique. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Chaque chose a sa place. Lakin, tu vas donner à ce physique 5 minutes, 10 minutes par jour et alhamdoulillah, donne des heures pour ton cœur. Là, ce physique, il sera enterré sous terre et les vers, ils le mangeront. Il restera quoi? Il restera ces efforts que tu as fait. قال كما قيل إذا ما وضعت القلب في غير موضع بغير إناء فهو قلب مضيع. هذا c'est un شعر جميل. Ce cœur, si tu ne le mets pas dans un récipient, il n'est pas protégé. Il sera attaqué. C'est comme de la nourriture qui n'est pas dans un récipient, qui n'est pas mis au frais. Un jour, deux jours, des odeurs, des insectes, ils peuvent se poser dessus. Un animal, il peut venir manger de cette nourriture. Comment tu en profites plus? Hakada ton cœur, protège-le avec la sincérité, avec l'ilm, et kadalik nourris-le avec dhikr. قال رحمه الله وتحت هذا البيت معنى شريف جدا قد شرحته في كراسة مفردة والله أعلم. الإمام ابن القيم رحمه الله il a expliqué ce vers de poésie dans un livre. Et الله أعلم ce livre, لكن est-ce qu'il a été retrouvé ou pas, الله أعلم. قال هذا آخر ما ذكره الشيخ رضي الله عنه وأرضاه في هذا الباب والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فرسالة مفيدة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. Et on peut la résumer en quelques minutes. هذه الرسالة, ce livre التبوكية de l'imam Ibn al-Qayyim رحمه الله, استفدنا des فوائد عظيمة. أولا, c'est un rappel عظيم أن الله عز وجل خلقنا لحكمة عظيمة. كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله سبحانه وتعالى ما خلقنا عبثا وهملا. الله سبحانه وتعالى nous a créé pour une mission très très importante de l'adorer. تأمل قوله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله سبحانه وتعالى nous a créé et pour qu'on œuvre, pour qu'on l'adore. Et dans ce verset qu'on vient de citer, il y a une faïda azima. Et c'est le sujet de notre risale. قال عز وجل الذي خلق الموت والحياة. الموت والحياة, c'est quoi? C'est ta vie. Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé une vie. Le jour de ta naissance. Belle, avant ta naissance, dans le ventre de nos mères, Allah subhanahu wa ta'ala nous a insufflé l'âme par l'intermédiaire d'un ange. Jusqu'à la mort. Cette étape, c'est la vie. Cette vie, al-abd, chacun d'entre nous, et c'est ce qu'on a profiter, walillahi alhamd, de cette risala, Allah, on est tous en voyage. Ce voyage, il a commencé quand cet ange, il a insufflé l'âme. Thumma des étapes. Al-insan, il est sorti du ventre de sa mère. C'était un enfant, un nourrisson. Thumma un enfant. Thumma un petit garçon, une petite fille. Thumma un adolescent, un jeune, un adulte. Jusqu'à la mort. Toutes ces étapes, c'est un voyage azim. Ce voyage, celui qui veut réussir, fa qu'il fasse ce voyage ila Allah Azza wa Jal. Al-hijratu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Et en suivant la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-hijratu ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ce voyage, tu auras besoin de provisions. C'est ce qu'on a étudié wallahi alhamd dans ce livre. La principale provision, c'est al-ilm. Al-ilm al-mawruth. Min al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas n'importe quel ilm. C'est la science que al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a reçue et il a propagée. Et al-Qur'an et al-Hikmah, sa sunnah. Kadhalik, tu auras besoin d'une provision essentielle, c'est al-Iman, la foi. Il y a un ilm sans foi, c'est pas utile. Et al-Iman, c'est fondé sur al-Tawhid. Qala azza wa jal, wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa. وقال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقال عز وجل وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. Vous avez remarqué que tous ces versets qu'on vient de citer, ça prouve ان التوحيد, la mise en application, c'est une hijra. Et c'est la hijra ila Allah عز وجل. Et on doit délaisser l'adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala et on doit adorer Allah عز وجل seul. وهكذا le suivi du prophète عليه الصلاة والسلام. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Tu dois suivre la voie du prophète عليه الصلاة والسلام et délaisser les autres voies. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. Suis la voie du prophète عليه الصلاة والسلام et délaisse les subul, les autres voies d'égarement. كذلك parmi les provisions الصبر, la patience. كذلك parmi les provisions سؤال أهل العلم لماذا لأن ce voyage si tu patientes pas ربما تنقطع, tu pourras t'arrêter au milieu de la route. كذلك ce voyage si tu demandes pas et tu connais pas le chemin, tu pourras te perdre عيادا بالله dans les ambiguïtés, dans les innovations et dans l'ignorance. كذلك أن هذا السبيل لابد من مركب كما بين الإمام ابن القيم رحمه الله ولا سبيل الا الى ركوب هذا الظهر الا بامرين. نعم, tu es obligé d'avoir un moyen de transport كما تقدم قوله. واما مركبه, مركبه اي tu as forcément besoin d'une monture كما تقدم, c'est la sincérité, être véridique, placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك ce voyage كما تقدم معنا, il a un parcours. Ce parcours, pour pouvoir l'accomplir, il faudra faire des efforts. قال فهو بدل الجهد واستفراغ الوسع. كذلك ce voyage العظيم, tu auras besoin d'une chose essentielle, c'est رأس الأمر, c'est ton capital, تدبر القرآن, méditer sur les versets du Coran الكريم. Tu auras besoin tout au long de ta vie. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a cité l'histoire de Ibrahim alayhi salatu salam min sourate al-Dhariyat en guise d'exemple pour te montrer qu'est-ce que tu peux retirer d'un verset que beaucoup de gens lisent et ils restent sur l'apparent du verset faqat. Kadhalik, anna ce voyage, et c'est nos cours d'aujourd'hui, tu auras besoin d'un rafiq, d'un compagnon. Ce compagnon, si tu ne le trouves pas parmi les vivants, prends comme compagnon ceux qui nous ont précédés. Même s'ils sont morts, bi'idhnillah azza wa jal, c'est une cause pour faire revivre les cœurs. Contrairement à certains vivants qui sont une cause pour faire mourir les cœurs, comme bayyana al-imam al-qayyim rahimahullah. Ça donne de l'importance au ilm et donne de l'importance aux savants de la sunna. Que ça soit as-salaf as-salih radiyallahu anhum, as-sahaba et ceux qui sont venus après eux, ou les savants contemporains. Ils vont t'aider, bi'idhnillah azza wa jal, dans ce voyage. كذلك, n'oublie pas une chose essentielle, demande à Allah subhanahu wa ta'ala daiman at-tawfiq wa thabat. Aujourd'hui, tu vas commencer ce voyage. Combien de personnes ils ont fait demi-tour? Combien de personnes elles se sont perdues fait tariq? Combien de personnes ils n'ont plus de force pour avancer? Ils se sont arrêtés. Bah, demande à Allah subhanahu wa ta'ala daiman at-tawfiq was-sadad wal-i'ana, qu'il te facilite, qu'il t'aide. Subhana. Hadhihi ar-risala al-azima at-tabukiyya, on doit lui donner de l'importance, la lire, la propager, l'enseigner si on a les moyens. فهذه الفوائد العظيمة ما بالك si elles étaient étudiées, ces leçons, dans les masajid. Combien de musulmans ils ont besoin de ces provisions? Là, on est tous en voyage. Combien de musulmans ils ignorent qu'ils sont en voyage? Ils pensent qu'à l'avenir de dunya. Je dois travailler, je dois faire des études, je dois avoir un diplôme et un peu de sport et un peu de passion. Et leur vie, elle est fondée sur ça. Ça ouvre des yeux aveugles. Kadhalik, ça ouvre des poitrines qui étaient tombées malades ou qui étaient mortes. فَالْعِنَايَةُ بِهِ وَنَسْأَلُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَرْحَمْ الإمام ابن القيم رحمة الله عليه رحمة واسعة ونكتفي بهذا فاستفدنا كثيرا ولله الحمد et on essaiera de le propager قريبا quand on aura le temps et la force et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala as-sadad wa at-tawfiq. Enfin, on a commencé au début de Ramadan. Est-ce que c'était le premier? C'était le 3. Le 3 de Ramadan. Et aujourd'hui, walillahi alhamd, on est le 17 ou le 18. Enfin, alhamdulillah, on a mis 15 jours. Amma, le programme, enfin, on le communiquera, inshallah ta'ala, à nos frères après Ramadan. Imma après l'Eid, imma après les 6 jours de Shawwal. Et on reprendra nos dourous dans l'Aqidah. On a bientôt terminé. Walillahi alhamd. Il reste quelques livres. At-Taqrib al-Tadmouriya, al-Hamawiya. Et si on peut, al-Tahawiya, le Matn, ou le Sharh de Sheikh Fawzan, ou un autre Sharh Mukhtasar. Enfin, on reprendra nos dourous fi hada. Et en deuxième partie de cours, Inch'Allah, on verra. Et on continuera dans Riyad Salihin. Ou on étudiera une autre Risala. Walillahi alhamd. Il y en a pas mal à étudier. Amma, les dourous du samedi, bah, ça dépend des événements. Est-ce qu'on sera encore, en confinement? Amla, on verra. Les dourous, si après Ramadan, on est toujours dans cette situation, on parle de Nahnu ici, les masajid sont fermés, donc on ne peut pas continuer les dourous avec nos frères et la akhiré. Fahada. On continuera comme on a fait avant et pendant Ramadan, Inch'Allah, on reprendra nos cours. Wallillahi alhamd. Et si ça reprend comme d'habitude, comme avant, Inch'Allah, on reprendra comme avant. Aïe, le mardi, le jeudi, le samedi matin et le dimanche. Fa ala kulli hal, on vous communiquera le livre, ou les livres qu'on fera, et kadalik, le moment. Est-ce que c'est tous les jours même là? Ça dépendra des événements. فهذا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يحفظ جميع إخواننا في كل مكان إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فحي الله الجميع.